Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre émission plutôt rock, pop, musiques expérimentales. Et aujourd'hui, nous allons faire dans l'expérimental, mais ancien, c'est-à-dire l'expérimental des années 60, aux frontières du yéyé, avec comme ligne rouge quelqu'un qui s'appelle Évariste, qui était un philosophe. Enfin, pas philosophe en fait, non, plutôt un physicien et, des particules qui a un doctorat qui travaillait dans les laboratoires de recherche et qui a fait un ou deux disques qui étaient absolument lunaires. Et on va revenir donc sur cette période un peu faste des années 60 dans laquelle il y avait beaucoup de gens très particuliers. Vous allez voir, ça va être fabuleux. Si vous connaissez pas les titres, en fait, reportez-vous bien évidemment à la page de Lost in Space sur la radio et c'est parti pour plus de 2 heures de plongée dans les années 60. Dans une usine de computers pleine de machines à avoir peur, un carteron d'octogénaire chasse le boson intermédiaire. Et où sont donc passés Pierre, Paul, Jacques et Léon, le petit carteron d'octogénaire? Ils sont tous partis à la chasse aux bosons, à la chasse aux bosons intermédiaires. J'ai une idée, dit le premier. Ben dis-la donc, dit le second. Eh bien voilà, vous prenez 3, ajoutez 13, et ça fait 16. Napoléon, Henri, Catherine, Louison et Dagobert, ben ils sont tous partis à la chasse aux bosons, à la chasse aux bosons intermédiaires. Dans un sapeur, il y a peur. Dans une patrouille, il y a trouille. Dans une bataille, il y a haï. À la chasse aux bosons, à la chasse aux bosons intermédiaires. Et où sont donc passés Pierre, Paul, Jacques et Léon et les petits bisons octogénaires? Ben ils sont tous partis à la chasse aux bosons, à la chasse aux bosons patibulaires. You down the stairs. Oh, that's what you get. Making me brush my hair all right. What is it doing? Oh, what is it doing? Oh, well, I always knew that something wasn't right. Well, you never lock your doors. Even I had not. parfois, mais il nous offrait tant de joie. Il n'en restera rien de tel. Les gens s'en vont dans le ciel. Les gens s'en vont dans le ciel. Tu regarderas le printemps pour qu'il revive nos 20 ans. Mardi 21 décembre, 11h15, voiture de reportage. Nous retournons sur l'île sans avoir collecté beaucoup d'informations. Nous n'avons pas le temps. Dans la voiture, CH appelle le présentateur du 13h. Ce dernier relativise le côté catastrophique des dépêches et préfère nous demander notre avis. Rare, très rare, à tel point que CH en fait la remarque. CH téléphone à la préfecture du Nord. Le service de presse nous renvoie à chaque sous-préfecture de la région. Le préfet du Nord et son chef de cabinet ont été remplacés récemment. Depuis, les contacts avec la préfecture sont difficiles. CH y renonce. Nous n'avons toujours pas le temps. Nous nous débrouillerons autrement. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud. Ma faute. C'est la faute à De Gaulle, on m'a tout amoché, c'est la faute à Fouché. Les frontières, on s'en fout, con bendit avec nous. Nous sommes tous des juifs allemands. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud. Devenus un art, c'est la faute à Gessmar. Si j'ai eu mon bachot, c'est bien grâce à Sauvageot. Si je me suis fait plein d'amis, c'est grâce à Cohn-Bendit. Si je me suis fait des ennemis, c'est aussi grâce à lui. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre du gâtisme. Ce n'est qu'un début quand il prend le combat. Y'en a marre du bureaucratisme, y'en a marre du conservatisme, y'en a marre du stalinisme. Interdit d'interdire, oh prenons nos désirs pour des réalités. suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud. Arrivé en provenance de Genève, vol Suissair 724, poste d'étoile, porte numéro 12. Ils vendent de la ferraille sur le marché international, il est bien coté. Sa femme est bien cotée sur le marché international de la beauté. Il part en Californie. Il part en Californie. Il a deux enfants beaux à croquer, en pension en Suisse très bien élevée. Sa femme joue très très bien au croquet, indispensable en société. Il part en Californie. Il part en Californie. Mais c'est sa secrétaire qui l'accompagne au bout de la terre. Pour Los Angeles sont convoqués. Il part en Californie. Il part en Californie. Avec sa secrétaire, il s'en va au bout de la terre. Los Angeles, vol Air France 003, embarquement immédiat, porte numéro 45. Enfin, merde. question d'originalité. Hey Dylan, hey Donovan. Citoyenne, quoique nous ayons remporté des victoires, nous sommes cependant toujours en danger. Armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Nous nous armerons parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers. Ces mots sont prononcés le 25 mars 1792 devant la Société fraternelle des Minimes de Paris par Théroigne de Méricourt. Farouche défenseur et de la révolution pour laquelle elle entend se battre et de l'égalité entre les sexes, celle que l'on surnomme la Belle Liégeoise en raison de ses origines belges, lie ainsi le statut politique des femmes à leur droit de prendre les armes plus d'un an avant le décret de la Convention, le 30 avril 1793, qui les exclut des armées, à l'exception des vivandières et blanchisseuses, et 6 mois plus tard, des clubs politiques, renvoyant ainsi pour plus de 150 ans les Françaises à une citoyenneté passive, distincte, en raison de leur sexe, de celle des hommes consacrée par la figure du citoyen soldat. Se met à dada, les chevaux se grattent le dos avec leurs sabots, les globules se bousculent dans le ventricule de Jatte. Les grenouilles s'amouillent, ça se fait des papouilles, les vaches, la vache, elles ont des moustaches. Je suis un tigre, puis j'entrais dans votre moteur. Je vais pas te salper dans mon moteur. Savez-vous pourquoi les adeptes de Mao, c'est très rarement qu'ils ont des jumeaux? C'est parce qu'ils sont très disciplinés. Y'a la bande jaune, défense de doublé. Mao, le plus beau, celui qu'il vous faut. Marie accroupie sur son bourbaki. Suzon, nom de nom, est à la veille du trombone. Il a eu 26 enfants, il jouait vraiment bien de son instrument. Je suis un tigre, puis j'entrais dans votre moteur. Je veux pas te salber dans mon moteur. De tous les êtres de la création, seuls les tigres qui sont les plus. Faire des petits, ils sont les rois. Les occidentaux sont à côté. Des érotiques de papier. Whiny. quatre pattes avec Tantagat, Nasser en croisière avec Chichester, Edouard, chef de gare à Montélimar, Narbonne, la baronne qui se déboutonne, Wani, c'est ainsi qu'en Chine on se dit, je vous aime, Tekiro, I love you baby, et je vous souhaite si vous essayez la formule, tous mes voeux intégraux et sans calcul. Wani. Wani. Je suis entrée ce matin pour acheter des bas dans un grand magasin, mais pour y arriver c'était un tantinet coton. Il m'a fallu bousculer, piétiner, insulter des bonnes femmes excitées qui m'empêchaient toujours d'atteindre mon fameux rayon. J'étais à moitié déshabillée et je ne pouvais pas lutter contre sa minette en colère. On aurait dit des fauves lâchées dans ce magasin. Elles avaient quelque chose dans le regard inhumain. On m'a vendu des petits pois que j'ai pu échanger contre un tenue de banane concentré de tomates dont je n'avais pas besoin. On m'a pris mon sac des mains, j'ai perdu mes chaussures, je me suis cassé un ongle, un garçon d'ascenseur m'a pincé les fesses à la fin. Plus question de faire du sentiment, chacune pour soi et en avant. Rendez-vous au dernier étage. Je suis devenue fauve, lâchée dans ce magasin. Et j'ai eu quelque chose dans le regard inhumain. Tout ça pour une paire de bas que je n'ai jamais trouvé. Que je n'ai jamais trouvé. Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diap dénonce, je renonce Mao, Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Tant que la perception caméra et derrière le personnage, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle reste inconsciente. Elle ne le saisit que lorsqu'elle forme un angle qui l'atteint obliquement et lui donne conscience d'être perçu. On dira par convention que le personnage a conscience d'être perçu, qu'il entre en percipi lorsque la caméra excède derrière son dos à un angle de 45 degrés d'un côté ou de l'autre. L'homme descend du singe titan, d'après la théorie de l'évolution. Oui, mais moi je crois vraiment qu'il y en a chien qui remonte là-haut en même temps. Et c'est vrai, depuis que j'ai les cheveux longs, je ressemble à l'homme de Cro-Magnon. Dis mais toi, ça n'est pas une raison pour me mordre avec tes crocs mignons. Évariste, quel paroniste, Évariste, quel anthropologiste. Et mon corps a agi très très fort, comme domaine d'opérateur sur ton corps. En moins d'une plombe, je suis devenu un espace vectoriel sur ton corps nu. Évariste, quel achétriste, Évariste, quel anatomiste. Puis pour me remettre un peu, j'allume la télé. C'était Léon qui commentait le tiercé. Mais je devais être vraiment retourné car j'ai vu les jockeys courir avec leur cheval dessus. Évariste, quel touriste, Évariste, quel illusionniste. Éléphant, si vous êtes malin, j'ai un petit problème pour vous, écoutez bien. Connaissant le clair de l'une, sans faute, calculez-moi vite le clair de l'autre. Évariste, quel humoriste, Évariste, quel calembouriste. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais se laver les dents dans un verre à pied, c'est beaucoup plus facile, assurément, que de se laver les pieds dans un verre à dents. Évariste, quel dentiste, Évariste, quel supplice. Et supposez qu'en haut d'un grand marronnier, un éléphant se trouve perché. Comment fait-il pour descendre s'il pèse 3 tonnes? Il se met sur une feuille et il attend l'automne. Évariste, quel délice, Évariste, quel zoologiste. Y'a Nicolas à Bardot, qu'il est mignon ce petit, qu'il est donc beau. Puis c'est marrant comme son petit derrière ressemble à la poitrine de sa mère. Tactique, je prends mes clics, je prends mes claques. Dans un déclic, la porte claque. Ça se complique, la serrure craque. Du tac au tac, moi je réplique. Quelle baraque diabolique. J'en ai ma gaque, j'en ai des tics et ça fait tac. Tout se détraque, c'est la panique. L'amour fait cric, l'armoire fait crack. Faute de fric, paradisiaque. Les regards tiquent et vous m'attraquent. Du tac au tac, moi je réplique. C'est une rubrique, un spectacle. J'en ai ma claque, j'en ai des tickets, ça fait tac. Il en faudrait des briques pour arranger ce bric-à-brac. Mais n'ayant pas de briques, que tout reste bric-à-brac. Mon angélique est démoniaque. Dans le sac, elle se rapplique. Dans un fric-frac économique. Un contre-attaque et plus de fric. Du tac au tac, moi je réplique. L'insecte pique et quick en claque. J'en ai ma claque, j'en ai des tics et ça fait tac. Il en faudrait des briques pour arranger ce bric-à-brac. Mais n'ayant pas de briques, que tout reste bric-à-brac. Dans un tic-tac systématique, je prends mes clics, je prends mes claques. Je meurs, je craque, mais par logique, tes yeux me braquent, quelle musique. Du tac au tac, moi je réplique. De la musique aphrodisiaque. J'en ai ma claque, j'en ai des tics. Cette clique faite de claques et de fric-frac, surtout de fric. Que tu me piques et clique et claque. Et clique et craque et ça fait tac. Et je te plaque. Ma sombre des magiciennes. Quand sur mon corps elles se promènent, tes mains sont des mains de reine. Quand c'est moi qui tiens les rênes, tes mains sont des magiciennes. Dans le langage de notre amour, au déclic de ces magiciennes, je démarre au quart de tour. Qui me griffent quand elles se déchaînent. Tes mains sont des mains de reine qui sur moi étend son règne. Tes mains sont des magiciennes. Je suis ton fou, ma souveraine. Tu règnes en maître sur ton sujet. Qui fou de toi va te renverser. Le personnage peut limiter le danger en marchant vite le long d'un mur. En effet, il n'y a plus qu'un seul côté menaçant. Faire marcher un personnage le long d'un mur est le premier acte cinématographique. Tous les grands cinéastes s'y sont essayés. L'action est évidemment plus complexe lorsqu'elle devient verticale et même spiralique, comme dans un escalier, puisque le côté change alternativement par rapport à l'axe. De toute façon, chaque fois que l'angle de 45 degrés est dépassé, le personnage s'arrête, arrête l'action, se plaque et cache la partie exposée de son visage avec sa main, ou bien avec un mouchoir ou une feuille de chou qui pourrait pendre de son chapeau. Tel est le premier cas, perception d'action, qui peut être neutralisée par l'arrêt d'action. Mamie, pour que je puisse te parler tout bas, je voudrais te raccompagner, mamie, je voudrais bien rester avec toi. Je te ferai ton problème de chimie, t'expliquerai l'atome de Bohr, et je te ferai, si tu le veux, mamie, bien d'autres choses encore. Flottis-toi dans mes bras, mamie, tu verras comme c'est bon. Les yeux, mamie, par les bois nous irons. Mais pourquoi ne réponds-tu pas, mamie, qu'ai-je dit qui a pu te blesser? Je ne pense pourtant pas, mamie, t'avoir dit des mots mal élevés. Mais même aurais-je dit une infamie, pourquoi restes-tu sans réagir? Comme le néon de ton cours de chimie qui n'a aucun corps à qui s'unir. Flottis-toi dans mes bras, mamie, tu verras comme c'est bon. Et les yeux dans les yeux, mamie, par les rues nous irons. Oh, comme tes joues sont douces, mamie, comme tes lèvres sont parfumées. Mon atome de chlore, mamie, et je suis ton sodium adoré. Mais il est déjà 7h30, le jour se lève, c'est l'aurore. Le sel est tout ionisé, mamie, adieu mon doux atome de chlore. Veux-tu mes électrons, mamie, tu verras comme c'est bon. Et les ions dans les ions, mamie, par les bulles. Les Français sont des fous. La France entière est un pays de veaux. C'est grand, c'est beau, c'est généreux, la France. Combien c'est grand, combien c'est beau, combien c'est généreux, la France. La France entière est un pays de veaux. De veaux. On ne fait rien avec un peuple couché. Les Français sont couchés, couchés. Les Français sont couchés, couchés. Les Français sont couchés, couchés. Les Français sont couchés. On ne fait rien avec un peuple couché. Les Français sont couchés, couchés. Les Français sont dévots, dévots. Les Français sont couchés et, voyez-vous, plus ils sont couchés, plus ils sont heureux. Plus ils seront couchés, couchés, plus ils seront heureux. Comment voulez-vous gouverner un pays qui possède 240 sortes de fromages ? Je cherche un nom mythique, ou si vous préférez un son pas anglais. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son magique qui fasse pas mêler d'âme, un son pas tam-tam. Je suis turc. J'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son chimique qui fasse chanter les fous à son pas indu. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son dalique qui traverse les métros, un son pas mao. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son lyrique qui fasse danser les crabes, un son pas arabe. Et je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son rythmique qui se laisse empailler, un son paillé, yeah. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son mythique, où si vous préférez un son pas anglais, un son pas tam-tam, un son pas doux, un son pas mao, un son pas arabe, un son pas yé-yé, un son bien de chez nous, un son bien de chez nous. En novembre 2017, soit 11 ans après sa création, Twitter doublait sa limite historique de 140 signes pour autoriser les messages de 280 caractères. En décembre 2017, il déploie la fonctionnalité discussion, qu'on appelle aussi Threads, qui permet de publier des conversations plus denses et étoffées. Et en ce mois de février 2020, il annonce une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la mise en place de ces Threads, en permettant de raccrocher plus facilement un nouveau tweet à d'anciennes publications. Le faire le grand, dit à son petit gars. Mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Mais ça fait si bon sang de bon sang, je te donne pour le temps bon assez d'argent. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. La révolution. Je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles. On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester. Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution. La révolution. Tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non, pas passer des CRS, et je m'en vais leur botter les fesses. Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh papa, je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes. C'est là. Enfin, explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con Bendy? Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution. La révolution. La révolution. Je vous ai croisé, vous qui passez, je vous ai croisé. are getting so much higher. My soul is burning inside, yeah. That flame is turning to a fire, just like the change in the tide. Ce faisant, le réseau social s'efforce de laisser à ses utilisateurs la possibilité de créer de la profondeur conversationnelle, des contenus relativement longs sur un média court. Il transforme la verticalité de l'expérience de lecture des threads, chaque tweet continue d'apparaître sous le précédent, en une forme de longitudinalité discursive, c'est-à-dire d'une forme de lecture formellement classique. Ce qui n'empêche pas cette lecture, du fait de son inscription dans la dynamique propre au réseau social, d'être en permanence bousculé par la fréquence d'apparition d'autres tweets ou de sollicitations attentionnelles et ou interactionnelles permanentes. Sollicitations qui viennent hacher et fragiliser la possibilité d'une temporalité de lecture que ne soit pas exclusivement contrainte par la brièveté, et ce dès sa constitution, dès son apparition, dès sa possibilité même. L'empilement, l'agglutination de tweets au sein de ces threads ne permet pas nécessairement de retrouver le cadre cognitif préexistant à notre disposition ou à notre volonté d'entrer dans une temporalité de lecture longue et dédiée. Dit autrement, l'accumulation de formes brèves ne suffit pas toujours à constituer une forme longue. Laissez-moi vous parler d'Abab, l'arabe, le cheikh des sabres brûlés. Il a une grande robe blanche et un chèque en blanc. Il a des bagues à chacun de ses doigts. Il porte un très long turban tout autour de la tête et un cimetière sur le côté. Et tous les soirs, après minuit, il saute sur son chameau Henri. Et il marche dans la nuit jusqu'à la tente du sultan, où il a rendez-vous avec Yasmina, la favorite. La seule de tout la reine qui puisse danser le jerk en remuant les oreilles. Elle a en plus été élue Miss Dune. Vous savez, et ce n'était pas la première fois qu'ils trafiquaient ensemble dans le dos du sultan. C'est ce qu'il expliquait à son chameau Henri, tandis qu'il traversait l'étendue désertique du désert réellement désert ce soir. Et il chantait. Ouais, c'était le tube du moment. Et son chameau répondait. Ouais, il arriva avec son chameau jusqu'à l'entrée de la tente. Il freina et mit au point mort avant de mettre pied à terre. Alors il vit Yasmina, venue sur une peau de zèbre, avec des bagues aux doigts, des clochettes aux doigts de pied, un os dans le nez, oh oh. Oui, elle était là, amis et voisins, allongée dans sa beauté radieuse, sa jambe de bois reposant sur un pouf. Elle mangeait une grappe de raisin, tout en jouant aux billes avec son œil de verre. Surprise, elle voulut remettre son œil, mais mit un grain de raisin à la place. Elle suivait les aventures de l'émir au volant à la télévision, tout en lisant Oasis Soir. Abab la prit dans ses bras, comme un chèque au porteur, et lui dit yo, yeah, yo, yeah. Ce qui voulait dire, viens danser le jerk avec moi à la case Badiog, poupée. Et elle dit. Ouais, c'était l'histoire d'un.

Dans un des tout premiers articles que je consacrais à cette plateforme, je relevais déjà la capacité de Twitter à briser son hiérarchie constitutive pour trouver des formes collaboratives de profondeur. Une forme discursive se travaille toujours entre des formes de verticalité et d'horizontalité souvent concurrentes, parfois complémentaires, verticalité de discours, horizontalité d'énonciateur ou l'inverse. Je m'ennuie, oh que je m'ennuie. Je vois des saints partout, des saints d'esprit, des saints malsains et tous les saints du paradis. Les saints de bébé, les saints de Betty, les saints de Lola, les saints de Lily, les saints qui traînent dans tous les lits. Toute une nuit, le lit m'ennuie. Anna Lily, bébé Betty, elle m'ennuie. Oui, je m'ennuie, oh tout m'ennuie, oh que je m'ennuie. Je m'ennuie. Je vois le Saint-Esprit de famille, le Saint de maman, les sous-papas, les dessous de la bonne, la queue du chat. Et je vois mon cousin, le petit malsain, qui fait coucou, qui fait coin-coin, avec mon frère, avec mon chien, qui fait pipi et qui s'ennuie. Maman, papa, tonton, tata, fraîchi, fraîcha, tout ça m'ennuie. Oui, je m'ennuie, oh, tout m'ennuie, oh, que je m'ennuie, oh. Je m'ennuie. Je vois danser toute la nuit des petites vaches avec leurs filles gonflées de vent et de whisky. Et ça finit sur le tapis dans la fumée du tabac gris et l'on voyage dans l'infini. Saint dur, saint doux, saint dessus dessous. Moi le whisky et la partie et la patrie et le parti. La patrie qui fait zizi, qui fait pompon, tout ça m'ennuie, oui je m'ennuie, oh tout m'ennuie. Oh je m'ennuie, oh que je m'ennuie, oh que je m'ennuie, oh que je m'ennuie. Cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir, Yara. 10h le soir, seul dans Paris. Mes amis sont partis, je traîne, je m'emmerde. La pluie, Paris la pluie. Oh et puis draguer, draguer. Ramer, ramer, boîte de nuit, boîte Afrique, boîte de concert, boîte de con, à Lille, pas question. Puis j'ai pas la clé. Puis de toute façon, je suis déjà beurré. Alors je vais me mettre de bonne humeur, voilà. Et pour ça, il faudrait que je cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir un quart d'heure. Bon, bah, y a qu'une solution, alors, au bois, tout de suite au bois. Facilité de paiement, crédit total. Voyons. Les contrats de l'avenue Foch, les quartiers chics, c'est là qu'il y en a le plus. Il y a même des Espagnols, c'est vous dire. Des anciennes bonnes, ou alors toujours des bonnes. Avec elles, il faut payer Franco. Ah, l'Espagne, Franco, le pays de l'honneur, des taureaux, des guitares. Où le Guy, c'est bonheur, mais la tare, c'est Franco, c'est bien connu. Avenue du Bois. En voilà deux blondes. Je m'arrête, je baisse la vitre. À grande approche, il lui manque une dent. Souvenir d'un légionnaire dans les fossés de Vincennes. Allez, en stage à Saint-Claude. Je demande combien, enfin combien elle me doit, même pas de con. Et je démarre, il pleut toujours. Tiens, deux autres encore, une brune, une blonde. Oh, c'est des travaux. La blonde a des beaux seins, qui vieux chien. Quand j'étais petit, ils me faisaient peur les travestis. Maintenant, ils me font rire, surtout à 6h du matin, en collant et mini-jupe, avec leur barbe mauve qui pousse, le rouge à lèvres délavé et la perruque de travers. Boitant sur leurs talons orthopédiques. Ah, le monde se trouve petit, monsieur. Il monte sur quelque chose pour grandir. Et je démarre. Cherche encore une fille qui voudrait bien de moi ce soir un quart d'heure. Cherche encore une fille. Il pleut toujours et il fait froid. Je tourne à droite un quart de police. Tout feu éteint. Hum. Je continue, tiens, des mateurs derrière les arbres. Les mateurs, ils s'arrangent toujours pour qu'on les voit. Je fais le tour, porte-maillot, avenue du bois, et je recommence. Tiens, une fille seule en jupon, C'est bizarre, une pute en jupe longue. Je m'approche, elle est sous un parapluie, sous un réverbère. Sa parole, elle est sublime, j'y crois pas. Et mon cœur bat. Je m'arrête, je recule, je baisse la vitre, je l'appelle. Elle tourne la tête, me regarde. Elle pleure. Puis je me rends compte que je la vouvoie. Elle ne répond pas et s'en va. J'ai peur de la gêner et je démarre. Je suis lâche et con, puis je rentre dans Paris. Je rentre dans Paris très vite et il pleut toujours. C'est le faux petit jour, à 7h il fait nuit en décembre à Paris. La foule parisienne court sur place et fait la queue déjà dans les clous. Des parapluies, des flaques d'eau, des flaques d'eau arc-en-ciel, d'huile de voiture, des bus bourrés de gens violets et tièdes, et des voitures, des odeurs de parfum et de mégots de gauloises mêlées aux odeurs des cheveux sales et mouillés. Des essuie-glaces, des lumières partout qui brillent et bougent, et se reflètent. Il fait nuit à Paris. Et cette fille sublime qui se cache sous la pluie dans le bois de Boulogne pour pleurer. Il fait nuit à Paris, mon amour, j'ai envie de lui dire, il fait nuit à Paris. De décembre en juillet, mon amour. Au pays des zombies à Paris, il fait nuit. Il fait nuit, méfie-toi à Paris. Il fait nuit pour toujours. Fille perdue, fille paumée. Je reviendrai vous voir demain. Je détermine notre existence comme celle d'un moi passif et changeant dans le temps. Le temps est cette relation formelle suivant laquelle l'esprit s'affecte lui-même ou la manière dont nous sommes intérieurement affectés par nous-mêmes. Le temps pourra donc être défini comme l'affect de soi par soi, ou du moins comme la possibilité formelle d'être affecté par soi-même. C'est en ce sens que le temps comme forme immuable, qui ne pouvait plus être défini par la simple succession, apparaît comme la forme d'intériorité, sens intime, tandis que l'espace, qui ne pouvait plus être défini par la coexistence ou la simultanéité, apparaît de son côté comme forme d'extériorité, possibilité formelle d'être affecté par autre chose en tant qu'objet extérieur. Forme d'intériorité ne signifie pas simplement que le temps est intérieur à l'esprit, puisque l'espace ne l'est pas moins. Forme d'extériorité ne signifie pas non plus que l'espace suppose autre chose, puisque c'est lui qui rend possible au contraire toute représentation d'objet comme autre ou extérieur. Mais c'est dire que l'extériorité comporte autant d'immanence, puisque l'espace reste intérieur à mon esprit, que l'intériorité comporte de transcendance, puisque mon esprit par rapport au temps se trouve représenté comme autre que moi. Ce n'est pas le temps qui nous est intérieur, ou du moins il ne nous est pas spécialement intérieur, c'est nous qui sommes intérieurs au temps, et à ce titre, toujours séparés par lui de ce qui nous détermine en l'affectant. L'intériorité ne cesse pas de nous creuser nous-mêmes, de nous scinder nous-mêmes, de nous dédoubler, bien que notre unité demeure. Un dédoublement qui ne va pas jusqu'au bout parce que le temps n'a pas de fin, mais un vertige, une oscillation qui constitue le temps, comme un glissement, un flottement constitue l'espace illimité. Hey, let me tell you something. You've been cutting me down. I used to know you, you didn't have nothing, baby. You was born poor. I used to know you when you had no shoes. Hey! Hey! You hold our families on the lowdown blues. Hey! Hey! But now you're living like a Cheshire cat. Hey! Hey! Because your pockets are big and fat. Hey! percuter la terre. Je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune pour y faire une fortune. Je veux aller sur Pluton pour y chanter mes chansons. Je veux aller sur la lune. Je veux m'évader loin de cette planète. Je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent, ou jouer de la guitare au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques. Déjà je rêve au jour où céleste troubadour, j'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Oh, que vais-je découvrir? Les cieux vont-ils s'ouvrir? Pourrais-je y pénétrer, tel autrefois Orphée? Aurais-je atteint le paradis où les anges sont logés? Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune. Est là où il est parce que Trump est la bureaucratie et ne pense qu'en termes d'allégeance absolue, basée sur les liens du sang, résume Gérard Araud. Mais Jared a une forme d'intelligence sèche et rationnelle. Il comprend très bien les rapports de force, même s'il donne l'impression de ne pas avoir de trip. Et comme beaucoup d'Américains, il est d'une inculture absolue. Pour lui, il n'y a pas d'histoire avec un grand H, pas de passion, tout est un deal. Son monde s'est longtemps cantonné au real estate new-yorkais et à Manhattan, tout le monde vous le dira, l'immobilier c'est une mafia. C'est une vraie blonde cendrée, sensuelle, douce et rassée. Mannequin dans la journée, elle s'éveille dans la soirée. Alcazar, surnommée, car le matin est bourriffé. Elle quitte les bras de l'homme de la nuit avec la gueule de bois. ils ont une sucette dans le bec. Tu lui dis bouge pas d'ici fiston, je te ramène une maman. Tes pas te conduisent naturellement vers la première boîte de nuit, où la porte se referme devant ton blue jean, mais s'ouvre à l'odeur de ton argent. On te fait asseoir dans un coin privé de la lumière, pour ne pas gêner la clientèle de luxe, Belphégor ou Castor et Pollux. La dame pipi vient te trouver, te demande comment va ta femme. Elle est partie avec ma collection de porte-clés, me laisse tout seul avec un gosse à élever. Tu es à genoux devant l'orchestre et tu demandes une chanson, qu'elle soit bien triste et mélancolique, un grand chanteur vient vers toi. Elle te répond en bablon bablon bambon, fort déçu, tu rejoins ta place. Pendant que de lascar vont aux toilettes avec un jeu d'échecs sous le bras. Petit matin aux Champs-Élysées, la brume te prend par les pieds. Un cowboy qui a perdu son chapeau descend l'avenue au grand galop, poursuivi par la garde républicaine, rutilante de quincaillerie. Au fond, place de la Concorde, rien d'anormal, c'est la guillotine. Champs-Élysées, tu es seul sur le quai. Dans le couloir, tu entends du bruit, tu penches la tête et tu vois un clown qui pleure dans les bras d'une dame. Tu ramasses une craie sur le mur, entre un dessin porno et la croix gammée, tu dessines un cœur qui semble saigner. Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin, je le mets sous mon bras jusqu'au matin. Ce petit boudin, ce petit boudin, un, un, ce petit boudin, un, un, ce petit boudin, un, un, ce petit boudin, un, un. C'est bon pour ce que j'ai, ça me fait du bien, les petits boudins. C'est facile et ça n'engage à rien. Les petits boudins, les petits boudins, un, un, un. Les petits boudins, un, un. Les petits boudins, un, un, un. Les petits boudins, un, un. Au départ, c'est rien qu'une petite gourde, un petit boudin. Il suffit d'un rien et ça devient un petit boudin. Un petit boudin, un, un, un. Un petit boudin, un petit boudin, un petit boudin. Ça ne sait pas dire non, c'est ça que j'aime bien chez les petits boudins. Ça pose pas de questions, ça mange pas de pain. Les petits boudins, les petits boudins, les petits boudins, les petits boudins, les petits boudins. Mais il n'y a pas dans mon calepin que des petits boudins. Il y a surtout toi, toi qui n'as rien d'un petit boudin. T'as rien de commun avec les petits boudins. Les petits boudins, les petits boudins. Les petits boudins, les petits boudins. Les petits boudins, les petits boudins. De fait, le rôle de Kouchner ressemble de plus en plus à celui d'un consigliere comme chez les Sopranos, autre famille mythique, bien que fictionnelle, du New Jersey. Prêt à se salir les mains et loin du modérateur espéré, même si les médias américains ont récemment rapporté l'échec de ses efforts pour recentrer l'image de Trump après le soulèvement antiraciste provoqué par la mort de George Floyd. Assez des conneries woke de Jared, aurait tranché le président. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, Ivanka Trump s'est soigneusement cantonnée à des missions consensuelles comme la visibilité des femmes dans le monde du travail. Comme son père, elle se voit comme une marque et a tout fait pour ne pas l'abîmer, note Bernstein. Tout porte à croire qu'elle se prépare. Quoi qu'il arrive, Kushner sera là, dans l'ombre puissante, grand seigneur de la dynastie Trump. Chiquet. La proposition communiste n'aurait pas grande chance de succès si elle n'était qu'un discours de nécessité et de réduction. Il s'agirait quand même de se souvenir de la fin de la politique qui est de vivre bien. Assurément, la garantie économique générale, alias le salaire à vie, qui triomphe de l'aléa et de l'angoisse matérielle, la souveraineté des producteurs associés, qui abolit les rapports de pure subordination, le droit au temps, inscrit dans le désarmement de l'impératif productif, sont autant de conquêtes qui feront vivre incomparablement mieux que sous le capitalisme. Et il faudra le dire. Autour de nous, les gens s'affolent. Où irons-nous, jeunesse folle? Avec la drogue pour boussole, chacun choisit sa liberté. Se partage, on vous salue la société, LSD, LSD. Sex go, jogo, ego, ego, complex go, jogo, ego, ego, complex go, jogo, ego, ego. Mais moi j'ai pas besoin de ça, puisque toi tu es là pour moi. Goûter, ça suffit, merci. Fantastique a fait son effet, LSD, LSD. Dans une vision de couleur de feu, on peut s'offrir tout le bonheur qu'on veut. On comprend tout, on peut tout faire mieux. Se transformer ou s'envoler, LSD. Hey, tu es mon LSD, ma ce que tu as fait de moi en me quittant. Oh yeah. Oh regarde baby, ce que tu as fait de mon amour en t'en allant. Oh regarde baby, ce que tu as fait de ma vie. Je n'avais pas d'amis, ce que tu as fait. Je n'avais pas d'argent, ce que tu as fait. Je n'avais que toi, j'avais le cafard. Tu étais près de moi. Ça me suffisait. Et tu es parti. Mais regarde, baby, ce que tu as fait. Faudra-t-il dire davantage pour défaire l'imaginaire entièrement négatif dont l'idée de sortir du capitalisme, pour ne rien dire du mot communisme lui-même, ont été surchargées. En gros, appartement collectif, alimentation patates et saucissons, voiture grise, moulin à café gris, vêtements gris, murs gris, ville grise. Je me sens Monsieur Batman, il pourra s'envoler. Connais ne peut plus durer. Imaginairement, le capitalisme a fait main basse sur la couleur, la lumière et jusqu'à la vie même. Il faut les lui retirer. Lui qui, dans la réalité, détruit absolument tout. La planète, les lieux d'habitation, sauf pour les riches. La santé physique, sauf celle des riches. La santé mentale, il est vrai, celle des riches y compris, mais différemment. Pour être imaginairement, puis politiquement viable, le communisme doit tout se réapproprier. Il doit même revendiquer le luxe, puisque lux, c'est la lumière. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit, de lumière dans l'existence. Pour faire la...